Vous avez répondu en partie à la question que je voulais vous poser. Moi, je me suis abonné à Mediapart il y a un an, et avec beaucoup de scepticisme à l'époque, je ne croyais pas trop à ces journaux numériques, payants, à ces journalistes qui venaient du Monde, etc. Et j'avoue que j'ai été... Maintenant, je ne peux plus me passer de Mediapart. Je me lève le matin, je regarde Mediapart l'après-midi, etc. Je suis chômeur, j'ai de la chance, enfin, de ce point de vue-là, d'avoir le temps. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un outil, c'est devenu un outil pour penser. Je pense aux grèves sur les retraites, comment vous les avez couverts. C'est-à-dire qu'en même temps que vous nous donniez de l'information, vous nous donniez à penser avec des historiens, des sociologues qui étaient en vidéo. C'est-à-dire que vous mélangez, d'une part, il y avait l'écrit, il y a la vidéo, maintenant il y a la radio. Enfin, il y a une petite... ce côté, il y a les radios. Alors bon, ça, il y a des voilà. chroniques qu'on peut écouter tout en feuilletant le voilà. site. Donc, bon, vous avez développé ce journalisme participatif. Moi, j'arrive encore mal à m'inscrire dans le club, mais je vois, et ce qui est autant passionnant que les articles à lire, c'est les débats qu'il y a derrière, qui sont des fois extrêmement virulents, mais avec aussi des gens anonymes, mais dont on voit bien qu'ils sont historiens, philosophes pour les uns, syndicalistes pour les autres, militants politiques de toute la gauche, et un forum de la gauche comme moi, je n'imaginais même plus qu'on pouvait en avoir. Donc vraiment des choses qui nous donnent à penser, un outil. Pour moi, Mediapart aujourd'hui, c'est un outil pour agir. Et c'est un outil pour essayer, dans cette gauche à reconstruire, dans cette gauche à construire, je ne sais pas. Voilà. Donc je voulais dire ça parce que je pense en même temps que si vous êtes arrivé à 50 000 abonnés, donc à peu près à l'équilibre financier, si j'ai bien compris, je crois que le fait que Mediapart puisse rester indépendant le plus longtemps possible, il y a vraiment une nécessité absolue d'avoir un maximum d'abonnés. Je crois que 100 000 abonnés, ça doit être un objectif voilà, important. Et ce que je me demandais, c'est pourquoi, à la base, entre guillemets, enfin localement, on ne créerait pas des clubs Bodin pour Mediapart, on ne ferait pas des choses comme ça. Je sais pas, moi, j'arrive en Bretagne, hein, donc j'étais dans le sud de la France juste avant, mais là, on vient de Morlaix pour venir vous écouter. Oui, donc, mais pourquoi il n'y aurait pas localement, bon, d'une part pour défendre Mediapart, faire des abonnements, permettre donc l'indépendance du journal, mais en même temps, amener de l'information, participer au débat, inviter des journalistes, s'il y en a, si vous pouvez venir, si d'autres peuvent venir et tout, un peu à la mode des cafés repères de Mermet, mais vraiment sur la question de ce que vous avez abordé, le journalisme participatif. Je voulais aussi, comme je viens des métiers du livre, dire que si l'industrie a la mainmise sur la presse, l'édition est complètement inféodée aujourd'hui à la grande industrie, à la même industrie d'ailleurs que celle qui détient la presse, et que là aussi la démocratie est en jeu, hein, parce que la disparition des librairies indépendantes voilà, le montre aussi. Bien, Patrick Desaigne, bon, moi, la première chose à vous écouter, je voulais vous remercier, M. Blenel, parce que à vous écouter, j'ai l'impression d'être intelligent. Mmh. Et pour reprendre la question que je voulais vous poser, la suivante, pour reprendre les anecdotes que vous avez citées par rapport au journal Sud-Ouest et lorsque vous étiez sur Bordeaux, pour reprendre les départs de Stéphane Guillon et de Didier Porte de France Inter en même temps, pour reprendre, bon, est-ce qu'à votre avis, dans la presse que nous connaissons aujourd'hui, bon, on a bien compris qu'il y a Mediapart d'un côté, puis il y a les autres de l'autre, est-ce que dans les écoles de journalisme, on apprend ce que c'est que l'intérêt supérieur? Est-ce qu'on apprend le renoncement? Est-ce qu'on apprend la compromission? Est-ce qu'on apprend toutes ces choses-là? Enfin, quelle est votre explication justement sur ces deux presses que nous connaissons? Oui. En écoutant les préoccupations du pharmacien, tout à fait au début, et votre réponse, je me demandais s'il ne serait pas bon, avant la fin de la soirée, de transformer votre bureau en petite table de travaux pratiques et de l'ouvrir un blog directement, au moins pour qu'il passe son premier écrit. S'il a sa lettre avec lui, éventuellement, s'il y a un ordinateur pas loin, là, je crois, ou un branchement. Alors, s'il y a une question d'argent, parce qu'effectivement, si on ne veut pas de pub, il faut qu'il y ait le nerf de la guerre, on peut peut-être se cotiser pour ouvrir. Et comme lui, le pharmacien, c'est de préoccupation de service public, on pourrait se cotiser pour lui ouvrir son blog, pour l'abonnement. Mais... Bonjour, je m'appelle Anne Erdogan. Je voulais revenir un petit peu sur, même si vous avez déjà abordé le sujet, mais sur le journalisme participatif, ou autrement dit, journalisme citoyen. Je pense à différents autres sites que celui de Mediapart. Je pense à des sites comme, par exemple, AgoraVox, etc., où certains journalistes interviennent en tant qu'auteurs, mais où également énormément de gens de la population peuvent passer un certain nombre d'articles. J'aimerais connaître un petit peu votre opinion sur ce type de site, savoir si vous pouvez considérer certains de ces articles comme éventuellement des sources ou en tout cas des bases d'idées ou de discussions suivantes pour aborder certains sujets sur Mediapart. Je voudrais également savoir ce que vous pensez des débats qui suivent ce type d'articles, qui sont, comme le disait monsieur tout à l'heure, assez souvent très virulents, qui sont également... où je trouve qu'il est, il est parfois extrêmement difficile d'exprimer un point de vue, ne serait-ce que de bon sens et dans le calme, tout simplement parce que c'est quasi immédiatement raflé par tout un tas de lobbies politiques ou autres qui vous empêchent en groupe de pouvoir placer vos idées, ce que je trouve extrêmement gênant et ce qui, moi, me fait penser à nouveau un système de pression sur quelque chose qui se voudrait une information. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le journalisme participatif ou citoyen également un problème de liberté d'expression ? Dans quelle mesure peut-on permettre cette liberté absolue dans le respect de chacun ? Et puis une deuxième question qui n'a strictement rien à voir avec tout ça, mais je suis curieuse de savoir si Mediapart pense peut-être fournir cette information. Peut-être l'avez-vous fait, hein, j'avoue ne pas avoir lu ces derniers jours. Je voudrais savoir si vous avez l'intention de parler du Fonds européen de stabilité financière, qui est un véritable scandale, qui est une prise en otage totale des États. Je trouve que c'est un des plus grave scandale actuel sur ce qui se passe en Europe. Donc je rappelle brièvement, fonds constitué d'un organisme européen lié à l'Europe elle-même et un organisme européen indépendant qui sera à même de prendre des décisions sur n'importe quel gouvernement et de demander à n'importe quel gouvernement de débloquer n'importe quelle somme, ce sous un délai de 7 jours. Sinon, possibilité d'action en justice. Et sachant également que ce fonds s'est doté d'une immunité absolument totale et que donc il n'y a aucune réponse à y apporter. Bon, je trouve que c'est absolument scandaleux. Ça serait important de le, c'est important de le dire. Voilà, merci. Hervé, professeur, donc j'aimerais revenir sur le triangle dans lequel vous avez placé votre intervention et je vais essayer de l'ouvrir et je serai, ça va tout à fait dans le sens des deux précédentes interventions, c'est pour ça que c'est bien qu'on m'ait donné le micro maintenant. Donc vous vous êtes présenté comme un chevalier gaulois un peu et je pense que tout le monde ici au milieu de ce triangle, tout le monde est prêt à vous faire gré de cette position, moi le premier. Donc cependant je pense qu'il manque à mon sens, quelque chose dans le triangle que vous avez décrit. Alors, le triangle en question, c'est d'un côté l'acteur démocratique, de l'autre la crise avec son espèce de volant politique hallucinant dans lequel on peut être aujourd'hui, et à côté l'innovation technique. Alors, pour préciser les choses, des jeunes me présentaient aujourd'hui quelque chose concernant un concept qu'on appelle la singularité, qui est le moment où en 2040, les machines seront à même de prendre des décisions à la place des hommes et seront très importantes dans l'avenir de l'humanité. Donc, ils faisaient leur intervention en parlant du déterminisme, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'échapper à cet horizon par rapport à la technique. Or, la question qui se pose par rapport à votre intervention, c'est que pour moi, il manque une composante dans votre présentation, qui sont les réseaux. Je vais citer une émission de télévision que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est dans l'air, qui est animée par Yves Calvi, un des fameux journalistes à l'oreillette de la dernière intervention du président de la République. Il avait face à lui Alain Bauer. Alain Bauer, pour ceux qui ne connaissent pas, ancien grand maître du Grand Orient de France, l'homme que tous les ministres craignent, et accessoirement un homme déterminant dans l'affaire de l'AMNEF il y a fort longtemps, déterminant dans le virage de la question de la sécurité au cœur de ce que vous avez appelé le bazar médiatique actuellement de la politique, et déterminant même dans la chute de DSK, si on veut aller fouiner récemment. Donc, cet homme-là était interviewé par Yves Calvi, et Yves Calvi lui faisait remarquer que, quand même, en tant qu'ancien grand maître du Grand Orient de France, il ne pouvait pas nier qu'au niveau des magistrats et au niveau des commissaires de police, il y avait une très grande proportion de maçons dans notre République. Et Alain Bauer a répondu à Yves Calvi, pas plus que chez les journalistes. En clair, tais-toi Calvi, on sait d'où tu viens, et si tu veux parler de la franc-maçonnerie, on va en parler ensemble. Donc, de la même façon que vous avez posé la question tout à l'heure de qui aurait pu prévoir, il y a un an, qu'il allait y avoir des révolutions arabes, eh ben, à ce moment-là, quand vous avez dit ça, j'ai émis l'hypothèse qu'il y avait au moins quelqu'un qui connaissait, c'est le général Petraeus, celui à qui on a donné la mission au Moyen-Orient et autres, de mettre en place la subversion des cœurs. Ça n'est pas une mission de militaire, la subversion des cœurs, c'est une mission de service secret, on est bien d'accord. Donc il y a plein de réseaux qui interviennent au niveau de notre déterminisme, celui qui est en train de se mettre en place, et notamment des réseaux qui sont à l'œuvre en Europe. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'Étienne Chouard, l'homme qui avait fait le site internet qui avait abouti à ce que massivement des gens se connectent et finissent par voter contre le traité constitutionnel. À tout hasard, je signale que finalement le traité constitutionnel est passé, on a marché sur la tête des Français pour le faire, et c'est le premier à avoir signalé ce que la précédente intervenante a dit, le problème déterminant de ce qu'on allait construire comme problème de la dette en Europe pour les peuples. Donc Étienne Chouard s'est recyclé après sa bataille contre le traité constitutionnel dans une bataille contre la construction de la dette européenne. Donc, à quel moment vous voyez que par rapport à ce qui peut vous être reproché, vous, dans la logique du journalisme et de l'appartenance à un système de réseau, vous vous êtes présenté comme effectivement étant en capacité de développer une nouvelle forme grâce à la technique. La technique n'est jamais que ce qu'on veut bien en faire. Grâce à la technique, pouvoir offrir quelque chose d'autre par votre posture. Et à quel moment vous échappez à la logique qui prévient du passé d'être dans des réseaux, d'être trop pris. Voilà. Je vais vous répondre. Je pensais au début, quand vous avez employé le mot réseau, je vais commencer par votre question, je répondrai aux autres. Je pensais tout bêtement à l'univers des réseaux numériques qui sont ceux que nous faisons. Moi, je ne prends pas ce mot réseau. On a tous des liens, on a tous des itinéraires, on a tous des affiliations, parfois des appartenances, parfois des histoires. Pour moi, le seul enjeu, c'est la transparence sur tout ce qui est public. Le problème, c'est de savoir d'où l'on parle, pourquoi l'on parle, qu'est-ce que l'on a fait. Vous savez, si vous allez vous renseigner ou si vous allez même sur Wikipédia, que j'ai toujours rendu compte de mon propre itinéraire. Et j'ai toujours rendu compte, y compris à ma façon, sans attaque personnelle contre les autres, y compris des attaques personnelles ou des critiques qui m'étaient faites. Mais je n'aime pas ce mot réseau parce que le problème n'est pas les réseaux, le problème c'est l'opacité. Pour moi, par exemple, quelqu'un a le droit tout à fait d'être franc-maçon, a le droit d'avoir cette appartenance, cette fidélité. La question, c'est si derrière se cache une opacité, un jeu opaque, des conflits d'intérêts. Je rappelle juste qu'est-ce que c'est que la philosophie juridique en éthique publique des conflits d'intérêts. Ce n'est pas le fait de découvrir le conflit d'intérêts quand il a eu lieu. C'est de poser les conflits d'intérêts sur la table, c'est-à-dire, voilà, je suis un tel, mais j'ai dans ma famille, telle personne fait telle activité qui pourrait rentrer en conflit, etc. C'est-à-dire de mettre sur la table. Je dis ça parce que, actuellement, le journalisme tel que je le défends et tel que je l'ai toujours défendu est attaqué par une sorte de vulgate qui dit « Vous seriez, vous, nous, les journalistes, les fourriers d'une transparence totalitaire. » Ce qui est un retournement spectaculaire. Parce que qu'est-ce qui est particulier dans un pays dictatorial ou totalitaire ? C'est une transparence sur les individus, sur leur vie privée, sur leur intimité, leur pensée, leur activité, leur réseau, justement, personnel, de partisans ou religieux ou intellectuels. Ça, c'est la transparence du pouvoir sur les individus. Et en revanche, c'est l'opacité totale sur ce que fait le pouvoir. Or, aujourd'hui, une partie de la vulgate de nos dominants, pourrait-on dire, c'est de critiquer une transparence qui est à notre service. La transparence pour que le peuple sache ce qui se passe en son nom. Et ce sont les mêmes pouvoirs qui ne voient aucun problème à l'opacité sur leur propre fonctionnement, leur propre pratique, etc. Vous citiez M. Boer. J'ai dit dans un débat qui se passait à la municipalité d'Evry, en présence de M. Manuel Valls, qui est, comme chacun sait, très proche d'Alain Boer, ainsi que Stéphane Soucks, le patron d'EuroSCG. J'ai dit, par exemple, j'ai raconté comment le Freedom of Information Act américain a permis au New York Times, juste un peu avant la fin de la présidence Bush, ils avaient comme information que tous les experts, là on parle d'experts sur la sécurité, que les experts sur la défense qu'on voyait, l'Afghanistan, l'Irak et tout, dans les shows télévisuels américains, avaient tous pratiquement des liens matériels avec le Pentagone. Ils avaient l'information, ils l'avaient assez si précise qu'ils savaient quels documents demander. Donc ils ont demandé au nom du FOIA des documents qui attestaient de ce lien matériel. Au nom du secret de la défense nationale, le Pentagone leur a refusé, la présidence, l'administration le leur a refusé. Comme il y a le FOIA, ils ont saisi les tribunaux et les tribunaux leur ont donné raison. Et les 3000 pages de documents qui attestaient de ces liens ont été rendus publics et ont mis fin à la présence ou l'omniprésence comme des experts soi-disant neutres. Et j'ai donc dit à ce débat, j'aimerais par exemple avoir le même moyen en France pour connaître les liens matériels entre M. Alain Boer, l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. J'ai reçu le lendemain un petit message assez salé de M. Boer, transmis par... ses amis. Bon, donc pour moi, le problème n'est pas les réseaux. On a le droit d'être militant. On a le droit d'avoir des solidarités. On a le droit d'avoir des sensibilités. On a le droit d'avoir des affinités. Le problème n'est pas cela. Le problème, pour moi, c'est le droit de savoir. C'est le droit d'enquêter. Le droit d'être au courant. Le droit de montrer les conflits d'intérêts. De montrer ce qu'on a montré dans l'affaire Bettencourt entre M. Woerth, qui est ministre du budget, chargé de faire rentrer l'argent dans les caisses, qui est en même temps trésorier du parti présidentiel, chargé de faire rentrer l'argent dans d'autres caisses, et qui en même temps s'occupe de faire toutes sortes de cadeaux fiscaux à ceux qui du coup font rentrer moins d'argent dans les caisses de l'État, mais font rentrer plus d'argent dans les caisses du parti. Et on découvre au passage que sa femme est employée d'une des sociétés, Madame Woerth, liée à la fortune des Bettencourt. Donc ça, c'est des questions qu'il faut poser et qu'il faut faire. Et c'est notre, pour moi, l'enjeu est celui-là. Ce qui m'amène à votre voisine d'au-dessus par rapport à la fois, d'abord sur le fonds européen, Mediapart a non seulement traité ça en long et en large, mais a même mis en évidence comment la technique financière qui était au cœur de ce fonds de solidarité était pas loin de celle des subprimes. Et il y a eu un article de Martine Orange qui a très très bien démonté cela et nous suivons ça de près. Mais par rapport à, si vous voulez, quelle est la différence de ce que nous avons voulu démontrer avec Mediapart ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul modèle. Il n'y a pas de modèle unique en journalisme. Il y a des valeurs, mais les valeurs vont... Il y en a une qui est essentielle, qui est le pluralisme, qui est la diversité. Et donc... Mais quelle est la conviction qui nous a animés par rapport à ce qui existait déjà ? Rue 89 s'est créée un an avant Mediapart. Agoravox Et l'illustration française d'une idée qui a existé ailleurs, de site participatif, et de cette expression que je n'emploie pas, de journalisme citoyen. Moi, je pense qu'il y a un droit des citoyens à l'expression de leurs opinions. C'est-à-dire, c'est la liberté d'expression. Ça n'appartient pas aux journalistes. Et c'est pour ça qu'on en a, vous en avez assez du journaliste qui, expert, éditorialiste, qui vous dit ce que vous devez penser, vous en prenez, vous en laissez. La liberté d'expression, ça vous appartient. Et avec le numérique, vous pouvez en faire tout l'usage que vous voulez. En revanche, il y a le droit à l'information des citoyens qui suppose, certes, le droit d'alerte des citoyens, certes, les informations transmises par les citoyens, mais aussi la production professionnelle d'informations. Une information recoupée, sourcée, contextualisée, produite honnêtement, dans le respect du contradictoire, avec des précautions, etc., qui crée quoi ? Qui crée de la confiance. C'est-à-dire, ah ben tiens, cette information, elle est bonne. Vous savez, monsieur a dit tout à l'heure, Mediapart est un forum, évidemment, plutôt, c'est un carrefour des oppositions. Mais aujourd'hui, Mediapart, on le voit d'ailleurs, nous avons des lecteurs qui ne sont pas de gauche. Et on le voit dans les commentaires. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont confiance dans ces informations. Se disent, bon, je ne suis pas d'accord avec leurs éditoriaux, etc., mais je suis gaulliste critique de Sarkozy, je suis plutôt électeur de Marine Le Pen, je suis du Modem, je suis... Bon, et ainsi de suite. Et on les voit qui sont là, ce n'est pas eux qui tiennent le haut du pavé au niveau du débat public, mais on le sent. Donc, et je pense qu'une réussite d'un journal, c'est aussi que ces informations créent de la confiance auprès de lecteurs d'horizons différents qui en débattent. Et donc, pour moi, il y a une question essentielle. Et là, on rejoint la question du modèle économique. Comme vous l'avez vu, je vais répondre, mais je ne fais pas de la propagande commerciale. Je vous explique le modèle économique, pourquoi il rejoint une conviction éditoriale. Pour moi, le modèle du tout gratuit, tout publicitaire, est une double illusion. C'est une illusion de destruction de richesse, de destruction de valeur et de destruction du travail. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur l'idée du grand nombre. Donc il faut le plus grand nombre de clics, le plus grand nombre de visiteurs pour avoir une recette publicitaire. Et du coup, il faut absolument avoir quelque chose qui crée de la foule, crée, ne divise pas, ne crée du spectaculaire. Donc il tire forcément vers une logique à terme d'uniformisation des formats, des contenus, des propos, etc. Il crée en surface, il crée forcément cela. Ça existera toujours, il y aura toujours des médias de masse. Mais nous avons besoin d'une information plus conflictuelle, plus originale, plus dérangeante, plus nouvelle. Mais le deuxième point, et qui est très important pour moi, c'est que ce modèle d'audience... qui amène le fait que, tout bêtement, c'est le règne de quoi ? C'est le règne de l'anonymat. Là, vous avez tous un visage. Vous intervenez, vous vous présentez. Nous sommes dans une conversation. Et là, avec ce tout gratuit, qu'est-ce qui a volé ? C'est la question, volé comme verrou, c'est cette question de l'anonymat. Comme la lettre anonyme, qui normalement est en classement vertical, parce que la lettre anonyme, elle est évidemment toujours... douteuse. Et donc, l'anonymat, ben c'est bien ce que je suis en train de dire, je dis ça, et donc l'anonymat renvoie au modèle gratuit, je m'explique. À partir du moment où il y a une adhésion, c'est-à-dire ce que j'appelle le modèle de Mediapart, c'est un modèle d'adhésion, de fidélisation. Vous vous abonnez, vous avez droit, ce qui est une vieille tradition de la presse, au pseudonymat. Mais vous laissez, d'une part, un email, au moins, et d'autre part, vos coordonnées bancaires. Et donc, au minimum, vous avez laissé une identité. Et si vous avez choisi de ne pas vous exprimer sous votre vrai nom et prénom dans l'espace public, vous avez le choix de créer un pseudonyme qui devient votre identité numérique. Mais vous n'êtes pas dans cet anonymat ravageur. Parce que l'anonymat, c'est la foule, c'est la masse. Et c'est l'opposé du public. La démocratie, c'est la constitution d'un espace public. C'est la confrontation de publics différents, de fidélité différente. Un public, c'est des visages, c'est une conversation, c'est un échange. La foule, c'est l'anonymat, c'est la solitude, c'est l'absence de conversation, c'est regarder tous dans la même direction. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que les foules sont bêtes. sont méchantes, sont meurtrières. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très important et auquel, y compris dans le numérique, le débat commence à monter sur cette question de l'anonymat. Parce que l'anonymat, qu'est-ce qu'il entraîne ? Le fait qu'on se lâche. On a tous des mauvaises pensées. On va pas... Notre cerveau, on en a tous. On se dit parfois, je sais pas. Ok, on a tous des mauvaises pensées. Mais la civilité fait que ces mauvaises pensées, on a appris à... Voilà, sont pour nous. Et là, qu'est-ce qu'on voit quand vous dites les blogs, quand vous dites etc. Les gens se lâchent. L'écosystème devient corrompu parce qu'on se lâche. Parce que la mauvaise pensée a le droit de passer dans l'espace public. Et quand je dis ça, c'est d'expérience vécue. Les forums les plus polémiques, c'est évidemment dès qu'on parle, par exemple, du Proche-Orient. Par exemple, prenons la guerre de Gaza. Racisme, islamophobie, antisémitisme, etc. Au moment de la guerre de Gaza, Libération a fermé tous ses forums. Accès libre, gratuit, machin, tout le monde peut y aller. Boum. Rue 89 supprimait entre un tiers et la moitié des commentaires. Mediapart, on a dû tout au plus supprimer un ou deux commentaires. Les gens sont rentrés, et c'est pour ça qu'on appelle ça le club. C'est au sens club des Jacobins, club des Girondins, club des égaux. On est rentré quelque part. Je crois beaucoup à la vertu de ce modèle d'adhésion comme créant, hein, au-delà du modèle économique, qui est le modèle de l'abonnement, créant cette qualité qui crée la valeur d'un média, la qualité du public. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des médias de masse, mais il faut qu'il y ait au cœur, c'est là qui devient une référence. Ce qui me fait répondre à monsieur, il n'y a pas de presse. Comment dire ? Bien sûr qu'il y a un sentiment là où il faut, je veux dire... C'est pour ça qu'on a fait Mediapart, c'est pour redonner du courage à tout le monde, se dire qu'on pouvait y arriver, qu'il n'y avait pas de fatalité, que le numérique n'était pas forcément destructeur d'emplois, qu'on n'était pas condamné au flux, qu'on n'était pas condamné à l'immédiateté, au format court, qu'on pouvait faire, monsieur a fait un superbe éloge de Mediapart, mais des articles longs, des articles approfondis, le montrer qu'on pouvait faire du journalisme plus qualifiant qu'on ne le faisait, nous qui sommes de la vieille presse, nous en venons. Nous sommes du monde de l'imprimé au départ. Et donc, nous avons fait ça comme un point d'appui pour tout le monde. Alors, et je crois que ce point d'appui est utile. Simplement, il y a aujourd'hui une crise qui n'est pas seulement la crise de la presse. C'est une crise démocratique. C'est une crise de notre insuffisante exigence démocratique. Je crois vraiment que la question démocratique est une question vitale. C'est même la condition de la question sociale. Et de la question d'émergence d'autres problématiques. C'est pour ça que je prenais l'exemple des négociations entre les Verts et le Parti Socialiste la semaine dernière. Pour moi, le vrai scandale, qui est divergence et débat, me paraît légitime, ne me pose pas de problème. Le scandale, c'est l'intervention occulte. C'est l'encoche à la démocratie. Et l'idée que du coup, ça se règle dans un salmigondi sur lequel on n'a pas prise. Ça, c'est un scandale qu'a, à mon avis, ressenti fortement la candidate écologiste. Et c'est pour ça que dans son attitude personnelle, elle s'est mise à l'écart de cela. Parce que ça, c'est un vrai problème. Et je dis ça parce que Eva Joly, que j'ai connue comme magistrate, et elle nous regarde et elle est dans notre débat public avec une culture politique qui n'est pas seulement française. Et qui est une culture politique d'autres modes de délibération. On peut être en total désaccord avec Mme Merkel sur l'Europe, mais Mme Merkel, elle a une position de force qui est certes celle de son économie, mais qui est surtout celle du fait qu'elle est passée devant le Bundestag, elle a fait voter, elle a eu un vote. C'est-à-dire qu'elle s'est dit qu'avant d'aller discuter, elle devait avoir un vote qui lui donne une confiance et qu'elle le crée. Nous, on n'a rien de tout ça. On a juste une émission de télévision, on en aura une nouvelle peut-être la semaine prochaine. Bon, et donc, c'est un vrai problème auquel nous sommes trop habitués. Je dis ça parce que, voilà, moi, quand j'ai dit laboratoire, bien sûr, sans les abonnements, Mediapart ne construira pas son indépendance durable. Nous avons l'immodestie de penser que nous inventons ce qu'est une presse de qualité, une presse de référence, du 21e siècle. Nous allons les supports vont se démultiplier, leur accessibilité, leur démocratisation. Et ce qui importe, c'est que les contenus s'imposent et qu'on ne les laisse pas uniquement aux verrous marchands ou politiques, du pouvoir politique ou des grosses logiques marchandes. Donc, de toute façon, c'est devant nous. Et donc, nous préemptons cela quelque part en créant cela. Et nous avons besoin de cette solidarité et de cette dynamique, hein, puisque Mediapart n'est pas fait comme une aventure capitalistique, il est fait pour appartenir, on s'est endetté, nous les fondateurs, et il est fait pour appartenir à terme à ceux qui le font, à ceux qui y travaillent, et comme un peu une société de, c'était le vieil idéal d'Hubert Beuve-Méry, qui n'a pas pu accomplir, société de presse à but non lucratif, hein, qui n'est pas faite pour enrichir des actionnaires, mais pour enrichir cette richesse collective de production d'information. Mais pour donner un exemple de ce que nous faisons, je vous ai parlé de cette journée gratuite du 2, mais nous avons écrit à tous les rectorats, parce que j'ai commencé comme rubricaire éducation, et je suis issu d'une famille bretonne d'enseignants, et je pense que profondément ces deux questions, information, éducation, sont profondément liées. Et nous avons écrit à tous les rectorats en disant, à l'ère où tous les jeunes sont avec tout cela, etc., eh bien, on propose, c'est des abonnements groupés, hein, qui se font avec l'adresse IP, pour ceux qui connaissent ça, dit voilà, pendant l'année présidentielle, sur la base de projets pédagogiques, toute demande d'un CDI d'un établissement scolaire permettra d'avoir accès gratuitement à Mediapart pendant le déroulé de l'année scolaire. Ce qui nous a heureusement surpris, c'est qu'on a eu, pendant la foulée où on a demandé ça, du coup 30 demandes par jour venues de CDI pour employer cet instrument, le prendre, hein, hein, comme on dit, la semaine de la presse à l'école, etc. Je voudrais terminer par deux petites choses. Nous ne sommes pas l'ennemi du livre, du papier. Nous faisons des livres et nous faisons vivre la librairie chez un éditeur dont l'intitulé nous va bien puisqu'il s'appelle Don Quichotte. Et dont ces livres, nous avons publié avec les articles de Mediapart un annuaire un petit peu, s'appelait N'oubliez pas, contre le zapping essuie-glace, hein, de la fiction politique, hein, on passe d'un événement à l'autre, et ce qui fait que nous, on ne voit plus rien, hein, pouf, on ne comprend plus rien, hein, une sorte d'effacement permanent, on efface ses traces. Et donc, le premier tome s'appelait « N'oubliez pas, faits et gestes de la présidence Sarkozy ». Le deuxième tome va paraître en janvier, et son titre, c'est « Finissons-en ». Ce qui dit bien les choses, pour moi, c'est pas, ça veut dire « Finissons-en » avec tout ce que cette présidence nous a mis comme problème et comme souci. C'est la réponse que j'ai faite sur cette formule des réseaux. C'est-à-dire, pour moi, ce qu'elle a mis sur la table, c'est ce problème de ce à quoi nous nous sommes trop habitués. Et qu'il y a des réalités dans la pratique politique, dans l'éthique politique, dans ce clientélisme du pouvoir, cette imbrication du monde de la finance et du monde politique ou du monde administratif, de la haute administration qui passe à la banque, etc., la perte d'autonomie d'univers du bien public par rapport au monde de l'argent. Eh bien, là, il y a des questions qui nous sont posées par le spectacle qu'a donné cette présidence. Et donc, pour moi, c'est cette question collective dont on doit s'emparer. Et l'autre petit point qui rejoint cette idée de l'événement, de cette dynamique. Je crois profondément ça. Je ne sais pas si nous y arriverons, mais je pense qu'on est à cette croisée de chemin. Hein, entre du neuf qui a du mal à du vieux qui a du mal à mourir et du neuf qui a du mal à naître. Et je pense que, vous savez, Mediapart, quand vous parliez des révolutions tunisiennes, Moncef Marzouki, qui est devenu président de la Tunisie, on était les seuls à l'interviewer à Mediapart. On a été interdit en Tunisie 2 mois après notre sortie en 2008. Donc cette réalité-là, on la voyait. Mais même Moncef Marzouki, il ne savait pas que ça allait surgir comme ça. Hein. Donc la question, et là on rejoint vraiment tout ce que nous a appris plus que la sociologie, la socio-anthropologie, la philosophie d'Edgar Morin. Laisser cette porte où peut venir l'improbable, l'imprévisible, l'imprévu, l'accident. Être nous-mêmes disponibles, c'est pas simplement attendre comme ça, c'est laisser dans un certain état d'esprit cet improbable arriver. Ce qui, petite parenthèse, est une vieille tradition qui est au cœur, je le dis au passage, des monothéismes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est interdit de prédire l'avenir. Pourquoi ? Dans la tradition de l'Ancien Testament, c'est si les hommes prédisent l'avenir, ils empêchent la venue du Messie. Alors le Messie, il n'y a que Dieu qui peut le faire venir. Mais pour nous, c'est quoi le Messie ? Ben c'est ça, c'est cet événement, cet improbable, cet imprévu qui va créer une nouveauté, d'autres relations, qui va nous faire nous sentir autrement, nous parler autrement. Rappelez-vous des moments que nous avons vécus comme caricature parfois mai 68, on oublie que ça a été le plus fort ébranlement, la plus grande ouvrière de notre histoire, et le plus fort ébranlement d'une société qui rentre en conversation avec elle-même. L'événement imprévu comme ça. Et donc, cette question, c'est quelle est la disponibilité d'esprit qui fait que cet événement peut surgir. Et là, il y a un mot qui est très intéressant et qui rejoint la dialogique, comme dirait Edgar Morin, qui est au cœur de la façon dont il a fait dialoguer des univers de savoirs différents. C'est un mot beaucoup plus fréquenté en langue anglaise, qui a du mal à passer en langue française et qui est assez drôle, qui est serendipité en français, qui vient d'un conte, un conte persan, Les princes de Serendip, du XIIIe siècle. Alors, les princes de Serendip venaient de Ceylan, Sri Lanka aujourd'hui. Le conte, c'est que, querelle dynastique, leur père les envoie voyager. Et en fait, le conte raconte que, non pas qu'ils trouvent toujours des choses par hasard, mais qu'ils trouvent ce qu'ils ne pensaient pas trouver, ce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Trouver par hasard, ou savoir trouver, savoir voir ce qu'on ne s'attendait pas à voir, c'est autre chose. Zadig de Voltaire, le droit d'auteur n'existait pas, les copier-coller d'aujourd'hui n'existaient pas de la même manière, en fait est inspiré de ce conte, on pourrait dire zadigicité. Et en fait, la serendipité, c'est cela. C'est cette capacité à dire, voilà, ce qu'on ne s'attendait pas peut survenir. Et à le voir, et à le discerner. Ce qu'on ne prévoyait pas, ce qu'on ne pensait pas, Serendipité, les princes de Serendip. Voilà. Et donc là, il y a pour moi un enjeu essentiel qui fait que, en ce sens, la démocratie, c'est un système complexe. Ce n'est pas simplement une élection des institutions. C'est une culture. Et là, c'est une vieille histoire. J'ai cité lors du débat télévisuel où je me suis retrouvé, on prend toutes les tribunes, mais ça monte quand même bizarre, c'était Yves Calvi, face au conseiller de l'Élysée, M. Henri Guénaud, et j'ai cité à la fin une citation de Pierre Mendès-France, dans un texte où Pierre Mendès-France rebondit sur la tyrannie douce de Tocqueville. Et oui, il prend cette prophétie, cette idée d'une démocratie qui serait une tyrannie douce, qui serait dévitalisée. Et il dit, mais la démocratie, c'est pas simplement choisir un homme, c'est plus que ça, c'est un état d'esprit. C'est une morale, c'est une forme de conduite. Et je crois vraiment que cette question nous est posée aujourd'hui, nous, d'être à la hauteur de cette exigence-là.